Parfois, je rêve. Je rêve d'un meuble sur mesure, d'une couleur laquée ou... Non, plutôt satinée, en accord parfait avec ma décoration. J'y ajouterai deux tiroirs en façade, ou plutôt des portes. C'est bien des portes. Deux jolies poignées et une lumière LED pour souligner le tout. Le rêve devient réalité avec Partenaire Agencement, votre référent mobilier en Touraine. Vous décidez, nous fabriquons. Le sur-mesure sorti d'usine qualité française, c'est Partenaire Agencement. Plus de détails en agence ou sur partenaire, partenaire.fr. Indestar, là où tout commence. Redécouvrez la musique. D'un groupe de quidam qui s'ennuyait le lundi soir, qui s'est dit tiens, et si l'on prenait l'antenne pour raconter ce que notre triste vie ne connaît pas. Et les voilà. J'ai bien vendu l'émission, l'équipe. Parfaitement, madame. Parfaitement. C'est quoi, comme c'est toi toujours. Qui as dit au début un quidam. Un quidam, c'est une personne lambda finalement. Une personne c'est quelconque. Une personne quelconque. Je l'ai comme déjà vous posé cette question. Oui, oui sinon, bah, vous êtes toujours sur Actu Solide, hein, les 21h50.

qui ne répond pas à la question, mais qui a le mérite de commenter. Donc, on légère avance pour le... Non, pas, oui, pour le pouf. Oui. Et est-ce que c'est un pouf? Eh ben... Ouais. C'est un pouf. C'est un pouf. Effectivement. Merde. Mais il a plusieurs fonctionnalités, ce donut. Oh, mais j'imagine bien. Donc, on peut s'asseoir dessus. Tu peux pas se manger, mettre hein, debout c'est dessus. Pas, on peut faire le poirier dessus. Hein. Non. Perso, moi non plus, j'achèterais pas ça. Hein. Je suis pas super fan, mais... C'est original. Est-ce que quand tu t'assois dessus, ça reste, c'est genre ça bouge pas ou alors ça s'effondre? Non bah ça reste. Attends. Bah les poufs, excuse-moi, tu t'assois, ça pouf. Ça doit être certainement moelleux quand même. Ah oui, tu veux dire si c'est, oui voilà. C'est genre ça tombe. Ça fesse un petit peu. Ça serait con d'avoir un pouf qui soit dur. Ouais. J'imagine le mec qui se jette dessus. Ouais. Bah écoute, on sait jamais. Machin, c'est un parpaing. Ce pouf-là, il peut servir de marchepied aussi et de table d'appoint. Ouais, alors mais il est peut-être vraiment dur pour le coup. Ouais. De marche-pied ? Si, marche-pied. Franchement, si c'est à marche-pied. Mais c'est vachement haut ? Non, mais c'est surtout que c'est casse-gueule. Oui ! Parce que t'es déjà monté sur un pouf. Enfin, le truc, ça va dans tous les sens. Tu vois, donc t'imagines en marche-pied, voilà, accident de travail. Oh, j'avais pris un marche-pied. C'est complètement ridicule quand t'arrives au boulot. Tu travailles, y a des travaux chez moi là avec des échafaudages. Tu sais, des fois, ils ont besoin de petits escaliers. J'ai un donut. Ouais, vas-y, je ramène mon donut. Un donut géant. Ça veut dire que les trucs, ils sont pas forcément alignés. Bah si, y a des trous entre. Non, il n'y a pas de trou. Ouais. Ça vaut combien ce donut géant? Ça vaut très cher ce truc. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça cher. 67 euros et 90 centimes. Bah, après, ça dépend si c'est grand. Grand hein. Bah, ouais, oui, c'est grand. On préfère autant aller à la boulangerie et d'acheter des vrais donuts. Ouais, voilà. C'est meilleur. Et tu trouves ça sur Mike Resistoff. D'accord, voilà. Ok. Putain, mais changez un peu là. Non, mais il y a tout le temps des. Moi, je reste sur l'avant-gardiste. Mike Resistoff. Et bah, avec Amel, on est sur Amazon en ce moment. C'est vrai? C'est nul Amazon. Non, c'est bien, il y a plein de choses. C'est vachement bien, surtout qu'ils te prennent 5,99€ par mois parce que tu ne commandes rien mais que tu veux quand même prendre une livraison rapide. Mais tu t'es fait avoir. Parce que t'as payé un petit prix mais t'as oublié de décocher exactement. La petite case. Non, j'ai acheté le. Mouton. Le vibromasseur en forme de banane. Bah oui, voilà. T'es allé trop vite. Non, c'était sur Wish le vibro. Ah merde. Oh. C'est trop petit en plus. Ça, c'est parce qu'elle en a commandé plusieurs. Ouais, c'est ça. Et tous les légumes. Bah oui, pour faire une corbeille. Une corbeille de fruits, bien sûr. Comment ça, c'est qu'elle est dans les toilettes? Je sais pas. Elle est partie avec la corbeille, c'est. Mais tu mets pas dans les toilettes, t'es dégueulasse. Et bah pourquoi pas? Dans la salle de bain ou dans la chambre, enfin on peut mettre ça genre, partout. Tiens, j'ai foutu mes gouttes dans les toilettes. Bah, tu mets ça pas partout, mais tu peux te le mettre n'importe où. On peut te non. Oui, allez, c'est bon là. Et, on va écouter. On est en train de débattre sur des gouttes quand même. Ah oui, on écoute. Sur le lieu où tu te le mets. Oui, et sur les gouttes en principe. Et toc. Et toc de Guédresse. Et toc le Star. Oui, écoutez cette magnifique chanson. Et dans un instant, on parle de quoi? On va faire un record du monde. On fait le record. Je serre la chance et c'est ma joie. Noir de ne pas être arabe, d'être du bon côté de l'histoire. C'est quand même trop cool d'avoir deux jambes, deux bras, d'avoir le hasard pour soi, d'être tellement mieux ici que là-bas. Ouf, ouf, ouf, moi même quand j'ai pas faim, je bouffe. Nananère, moi j'ai encore ma mère, toi tu fais moins le malin. Et m'emmerde pas avec ton sida où j'éteins mon écran plat. La la la la la la la. C'est ma foi bien mieux de ne pas être trop moche, de ne pas être trop grosse, de pouvoir tout foutre sur le dos des boches. Je suis bien contente d'avoir une maison et un lit pas vendre mon cul pour 10 roupies. Même quand j'ai pas faim, je bouffe. Nananère, moi j'ai encore ma mère. Toi tu fais moins la fière depuis ton viol dans le RER. Et me saoule pas avec ta polio où j'éteins ma radio. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. C'est quand même la honte de ne pas avoir d'argent, d'être sale et tout puant, de ne rendre personne triste. Rassurant de me dire que j'y suis pour rien, de me dire que c'est le destin, de me dire qu'on n'a que ce qu'on mérite et c'est très bien. Ouf, ouf, ouf, moi même quand j'ai pas faim.

Et puis vu c'est quoi des décibels. Vu qu'elle passe son temps en toilette, elle décide d'emmener son téléphone. Et là, bingo, un patron appelle pour du travail. Ah. Voulant pas rater. C'est comme ça que ça s'est passé avec Action. Mais vous vous taisez là. Voulant pas. Je sais pas. Elle a chat groupé. On connaît tous son engouement pour les chiottes. Faut qu'elle consulte. Moi c'est bon là. Tu passes ta vie aux chiottes. Mais oui. T'entends plus aussi. Moi, hein, pas... bon, alors, voulant pas rater son appel, elle répond. Mati. Elle était vachement gênée, du coup, je me doute bien. Ouais. Et quand un P arrivait, elle mettait son téléphone en muet de son côté pour éviter que le patron entende. Oh, la technique. Après quelques minutes, le patron lui demande si elle a un papier et un stylo. Elle le fait patienter quelques instants, elle s'essuie. Oh, je sais. Et tire la chasse d'eau. Oh. Un truc à pas faire. Mais elle avait complètement oublié qu'elle était au téléphone et oublié de mettre muet, tu vois. Elle s'est sentie complètement paniquée qu'elle le raconta tout à son patron. Et son patron lui a proposé un job d'éboueur. Oh, oh non. Et c'était quoi le job au départ? Et tu crois que c'est moi? Je connais pas Stéphanie, moi. Et remarque, c'était peut-être un job d'éboueur, du coup. Et du coup, oui, son patron, pour rigoler, lui a proposé un job d'éboueur. Ah, c'était pour rigoler? C'était pour rigoler. Ah, mais c'est nul, ça. Est-ce vrai ou faux? Faux. Moi, je dis que t'es incapable de l'inventer. Moi, je dis que c'est une vraie histoire. Ouais, moi, je dis pourquoi pas. Vraie histoire. Faux. Vrai. Vrai. C'est vrai. Ah, il va copier. Attends, il dit quoi? Oh, il copie. Qu'est-ce qu'il fait, Teddy? J'ai pas besoin de copier, c'est juste que je réfléchis ouais. Et je me dis... Et tu as dit... Eh bah non, c'est faux, parce que Kong m'a donné une bonne inspiration. Chais. Mais Kong, dans aucun cas, Kong dit chi dans le truc. Mais du coup, c'est basé sur une histoire vraie. Ouais. Mais parce qu'en fait, j'ai cherché entretien, travail. Elle a juste changé le nom de la personne. Non, ça s'appelait Amélie de base. J'ai vu quelqu'un qui avait répondu aux toilettes et je me suis dit, tiens, on va inventer une histoire sur ça. C'est bien inventé. Et j'ai trouvé Décibel. Bim. Et toc. Et toc. Et bah, c'est pas et toc qu'on va écouter de toute façon. Genre. Non, on va plutôt écouter Preacher. Leroy Sanchez. Le pauvre, il a pas de chaise. Il va falloir qu'on lui achète une chaise. Je pas trouvé ça drôle. Si, c'était drôle. Leroy Sanchez. Non, mais c'est les mecs, hein. Moi, tout de même. Leroy Sanchez. Leroy aussi. Voilà. Leroy de Lilo et Stitch. La musique, c'est quoi aussi, si moi, j'ai une pote, elle s'appelle Sandra, tu vois, à chaque fois. Ah, Van. Bon, non. Ça, c'est de la merde, par contre. Non. Sandra, toi, tu t'appelles bien Théo. Mais Théo, mais t'es bas. Ah, ouais. Mais t'es pas là, mais Théo. Non, bon. Ah, le... ah, c'est dédicace à Vianney. Allez, envoie la musique là. Allez, à tout de suite. Nom de Zeus. Par tous les pépins de la pomme de Newton, Marty, viens voir, regarde ça. Indestar.fr, le futur site d'Indestar sur l'internet. Mais vous avez vu? En plus, il y a des lives vidéo, des réseaux sociaux et d'autres rimes en haut. Doc, c'est décidé. Je reste dans le futur pour écouter Indestar. Attachez vos ceintures, contact Starter. Nouveauté, vintage et young timers, compte rendu d'essai, technologies anciennes ou modernes, sans oublier les news, les insolites et l'occasion de la semaine. Votre programme moteur, tous les lundis, 20h30, 21h, c'est Starter sur Indestar. Indestar, là où tout commence. Indestar, redécouvrez la musique. Craving comes and goes like the ripples in this ocean, drying now slow. I guess that's how it feels every time you choose to look the other way. Find something better there. Tell of stories, broken trust and sunken glories. Did you know to damage your heart? Yeah. When I ask you, say it's blurry. Suddenly we're in a hurry. Then we watch it all fall apart. Preacher, preacher, preacher. Say a prayer for yourself. It turns skies into a fire. Now it burns my skin. Preacher, preacher, preacher. Don't come here.